إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لقد تلبس الشيطان بالسحرة والكهان وينطق على لسانهم ولذا ترى الشياطين تألف هذه النفوس الخبيثة التي تدنست بالشر ورضيت به قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وقد يرتكب هؤلاء السحرة والكهان يرتكبون في سبيل إرضاء أنفسهم الخبيثة الحماقات والشركيات فيباشرون النجاسات ويأوون إلى الأماكن المستقذرة يكرهون سماع القرآن وينفرون عنه يذبحون الحيوانات ذاكرين عليها غير اسم الله لا يتطهرون ولا يتوضؤون صفاتهم الجهل والضلال والكذب والبهتان ولا يرتقي في سحره ما لم يعبد نفسه للشيطان. Chers musulmans et musulmanes, toujours dans ces discours et ces sermons qui traitent du tawhid et de toutes les formes du polythéisme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'interdiction de se rendre chez les devins et les voyants. Sachez que le diable a l'emprise sur les sorciers et les devins. Le diable parle à travers leur langue. C'est pour cela que les diables aiment ce genre de personnes, à savoir les sorciers, les devins, les voyants, les astrologues, qui ont entaché leur personne et se sont soumises au diable. Allah Azza wa Jal nous parle des alliés du diable dans Sourate Al-An'am, le verset 21, lorsqu'il dit Azza wa Jal, et les diables inspirent à leurs alliés. Les diables ont donc des alliés parmi les djinns et les humains. Et nul doute que les sorciers, les charlatans, les devins, les voyants, les astrologues et autres font partie des alliés du diable. Car ils sont prêts à commettre des folies. Ils sont prêts à commettre du polythéisme. Ils sont prêts à être en contact perpétuel avec les impuretés. Ils se réfugient dans les endroits sales. Ils détestent écouter le Coran, s'enfuient du Coran lorsqu'ils l'entendent. Ils n'hésitent pas à sacrifier des bêtes en prononçant le nom des djinns et des diables. Ils ne se lavent pas, ne font pas leurs ablutions. Ils sont caractérisés par leur ignorance, par leur égarement et par leurs mensonges. أيها المسلمون ورد في أحكام الكهان التغليظ الأكيد والوعيد الشديد ومن كان في حكمهم كالعرافين والمنجمين والذين يدعون علم الغيب فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل ويأخذون عن مسروع مسترق السمع والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم وكانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرين وكان من أشهرهم شق وسطيح فمنهم أي من هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة المسروق والذي يدعي مكان الضالة ونحو ذلك. وبعد البعثة قل مسترق السمع، لأن الله عز وجل حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه كرامة وولاية، وقد اغتر بهم كثير من الناس مع شديد الأسف يظنون أنهم أولياء لله وهم من أولياء الشيطان. De nombreux textes sont venus et sont extrêmement durs et violents envers les devins, les astrologues et les voyants. Il y a des menaces dures dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le devin est celui qui informe de choses en rapport avec l'invisible, des choses qui vont avoir lieu dans le futur. Ceux qui travaillent avec des djinns qui volent quelques informations des cieux. Ils étaient très nombreux avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient extrêmement nombreux chez les Arabes. Les plus connus d'entre eux étaient Shirk et Satih. Certains parmi eux prétendaient travailler directement avec les djinns qui leur apportaient les informations. D'autres prétendaient connaître les choses de l'invisible à travers des signes, à travers des causes, et en posant des questions aux personnes qui viennent à eux, en regardant la situation de cette personne, eh bien ils prétendaient à travers ces signes et ces causes connaître l'invisible. D'autres, comme les voyants, prétendent connaître l'identité d'un éventuel voleur. Ils prétendent connaître l'endroit d'un objet perdu. Mais, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns qui informent des informations qui se disent dans le ciel se sont vus extrêmement réduits. Car Allah subhanahu wa ta'ala à protéger le ciel par des flammes brillantes. Et beaucoup de gens ont été dupés par ces sorciers, par ces charlatans, par ces voyants, par ces astrologues, ou ils sont appelés aussi les marabouts, lorsque les diables les aident à faire des choses surnaturelles. Lorsque l'un d'entre eux peut tracter une voiture à la force de ses cheveux, lorsque certains d'entre eux se plantent des épées dans le corps sans ressentir de douleur, lorsque certains d'entre eux boivent de l'eau bouillante sans que cela ne leur fasse mal, les gens en voyant des choses surnaturelles pensent d'office que ce sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla les a comblés de ses bienfaits et leur a donné ce fait extraordinaire. Or, les faits extraordinaires, les choses surnaturelles qui peuvent subvenir à une personne ne sont pas forcément une preuve du fait que c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, ces sorciers, ces devins, ces voyants et autres, en faisant ces choses surnaturelles, eh bien ils le font à l'aide des djinns et des diables. Ce sont donc les alliés du diable et en aucun cas les alliés du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, il dit: "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Wal hadith rawahu Muslim. Wal 'arrafu shamilun li kulli man idda'a 'ilma al-ghayb min al-kahin wal munajjim wa nahwihim, mimman yaqra'u fi al-kahf wa ghayri dhalik, ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية بطرق شيطانية، فإن هؤلاء يعبدون الشياطين ويتقربون إليهم ليحققوا مقصدهم، فهم في الحقيقة خدام للجن وأولياء لهم، أو هم دجالون كذابون كافرون بادعائهم علم الغيب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد المترتب على إتيان الكهان لسؤالهم عن المغيبات، المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، وأن جزاءه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإن كانت هذه حال السائل فما بالكم بحال المسؤول، فهو أسوأ وأشر وأعظم. On a hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un voyant pour le questionner, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Celui qui se rend chez un voyant pour le questionner uniquement, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Le voyant et tous ceux qui prétendent, et toute personne qui prétend connaître la science de l'invisible, parmi les devins, les astrologues et les autres, ceux qui prétendent lire dans les mains, ceux qui utilisent des moyens diaboliques pour soi-disant connaître les choses futures, ceux-là en réalité adorent les diables, se rapprochent des diables afin que les diables et les djinns leur donnent ce qu'ils souhaitent comme information. Ce sont en réalité des servants des djinns et des alliés des diables, ou bien ce sont alors des charlatans, des menteurs, ou alors, wal'iyadu billah, des mécréants qui prétendent connaître l'invisible. Or, la connaissance de l'invisible est une connaissance propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah Azza wa Jal, dit, ne connaît dans les cieux et la terre l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique l'immense menace qui pèse sur toute personne qui se rendrait chez un devin ou un voyant pour lui poser des questions sur les choses en rapport avec l'invisible. Que seul Allah Azza wa Jal connaît, son châtiment sera que sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Ceci est le châtiment encouru et la menace qui pèse sur celui qui se rend chez le voyant. Que dire alors du péché qu'encourt ce voyant même, ce devin même? Et aucun doute que son châtiment sera plus dur et plus immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurayrah radiyallahu anhu, anna an-nabiy alayhi as-salatu was-salam qala: man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. في هذا الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على إتيان الكهان لسؤالهم عن المغيبات ثم تصديقهم، وأن ذلك كفر بالوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة اللذين هما الكتاب والسنة اللذين بيّن أن علم الغيب قد استأثر الله به. وعن عمران بن حسين مرفوعا قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. سنة أبو هريرة رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin et croit en ce que celui-ci lui aura dit, a alors mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité du péché que commet celui qui se rend chez un devin et croit aux informations qu'il lui a dit. Il aura alors mécru, il aura considéré mensonger ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Coran et la Sunna, qui sont les deux sources divines, qui sont les deux sources divines, et qui ont, ces deux sources, clairement affirmé et argumenté que la science de l'invisible est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservée à lui-même exclusivement. Et dans le hadith de Imran ibn Husayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fait pas partie de nous celui qui croit en la superstition, celui qui se rend chez un devin, ou qui croit ce que le devin lui a dit, celui qui pratique la sorcellerie, ou celui pour qui l'on l'a pratiqué. » Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui se rend chez un devin et croit en ce qu'il lui a dit, alors mécru en ce qui a été révélé sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Ayyuha al-muslimoun, بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوعيد الشديد لمن انحرف عن شرع الله ولجأ إلى غير الله، ومن ذلك من فعل الطيرة أو قبل قول المتطير له وتبعه، ومن فعل الكهانة أو أتى الكاهن وصدقه وتابعه، ومن فعل السحر أو عمل الساحر له السحر. والواجب على العبد الحذر من هذه الأمور السابقة، لأنها إما شرك أصغر كالطيرة أو كفر والعياذ بالله كالكهانة والسحر، كما يجب الحذر من إتيان الكهان، لأن من أتى كاهنا فسأله عن المغيبات ومن ثم صدقه فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصح حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم nous montre la gravité du péché de celui qui se détourne de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remet et se retourne vers autre qu'Allah, comme ceux qui utilisent la superstition et croient en la superstition, comme ceux qui se rendent chez les devins et croient en ce qu'ils informent, et ceux qui pratiquent la sorcellerie, ou ceux qui demandent à ce qu'on la pratique sur autrui. Il est donc obligatoire pour chaque musulman et musulmane de prendre garde, de s'éloigner de ce genre de choses qui ont été citées, car soit c'est du petit polythéisme, comme la superstition, ou soit alors c'est du grand polythéisme, comme le fait de pratiquer, comme le fait d'être un voyant, un devin, ou de pratiquer la sorcellerie. Il est donc interdit de se rendre chez les devins, car celui qui se rend chez le devin sera amené à le croire, et ainsi à mécroire en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون قووا إيمانكم ويقينكم بالله عز وجل في مواجهة الشكوك والشبهات ولا يخدعنكم الشيطان فيوهمكم بأن كل لمة أو علة أو مرض هي سحر، فالمرء في هذه الحياة يعرض له المرض والهمم والهموم، وقد يكون وقوع ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب المسارعة إلى التوبة والإنابة والعمل الصالح، واتخذوا رب المشرق والمغرب وكيلا تلجؤون إليه آناء الليل وأطراف النهار، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام والصالحين من العباد في التوكل على الله وحده والالتجاء إليه سبحانه وطلب الشفاء منه والاقتصار على ما أباحه من الأسباب، فإن ذلك سبيل النجاة في الآخرة والأولى. Chers musulmans et musulmanes, renforcez votre foi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et renforcez votre certitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et combattez les doutes et les tentations, et que le diable ne vous trompe pas, et qu'il ne vous fasse pas croire que tout malheur, toute épreuve, toute maladie qui vous touche a pour origine la sorcellerie. Car la personne dans cette vie d'ici-bas est exposée à la maladie, est exposée aux soucis, et ceci peut être la conséquence directe d'un péché, d'une désobéissance qu'il a commis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit subhanahu, et il n'y a pas un mal qui vous touche sans que cela ne soit à cause de ce que vos mains ont commis. Et Allah pardonne beaucoup. Ainsi, il est demandé de s'empresser au repentir, de revenir vers Allah et d'accomplir des œuvres pieuses, et de prendre le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de placer sa confiance sur le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, et de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les vertueux parmi les serviteurs d'Allah, dans leur placement de leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, en se remettant à lui subhanahu wa ta'ala, en revenant à lui, en lui demandant à lui seul la guérison, et en se contentant d'utiliser les moyens légiférés et licites que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférés à travers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est la seule voie par laquelle la personne trouvera la félicité et sera sauvée dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد اللهم اجعلنا من أهل التوحيد اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة اللهم إنا نعوذ بك من الكهانة اللهم إنا نعوذ بك من المنجمين اللهم إنا نعوذ بك من العرافين ومن شرهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعن إخواننا في سوريا اللهم كن لهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم انصرهم نصرا عزيزا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.